Ouais, ça devient compliqué hein. Pour tout le monde. On regarde bon, le PSG qui fait pas non plus un match, enfin qui n'est pas non plus une grosse différence à Ajaccio. Mais avec la fatigue, les niveaux se rapprochent et ça devient de plus en plus compliqué, ouais. Ouais, ça se nivelle parce que tout le monde est fatigué. Ouais. C'est vrai que pour le péage, quand on voit qu'ils sont partis à Ajaccio, ils ont gagné que le 31 à 26. C'est pas terrible. Par contre, au plan de Cuc et Salagou, clairement Salagou vous fait un petit peu une bonne bouffée d'air là. Hein. Ouais, bah, j'aurais préféré que clairement Salagou gagne. Mais bon, on va le prendre quand même. Ça nous rajoute un point et ça nous oblige à faire au moins un nul la semaine prochaine contre Ajaccio. Voilà. Donc voilà, c'est encore entre nos mains, c'est à la maison, et voilà, on va essayer de faire le job dimanche à 15h à la maison. Ouais, avec une belle victoire, j'espère, derrière, ce qui permettrait presque de glisser le dernier match, pas dans la décontraction, mais selon le résultat de plan de cul que le week-end prochain, vous permettrait un petit peu d'y voir plus clair et de préparer ce barrage. Hein. Ouais, exactement, voilà, donc on va essayer de préparer ça, même si cette semaine là je suis pas là parce que je suis en stage à Ypres avec sur la formation d'entraîneur et mais bon, je fais confiance à Vincent et aux filles pour être sérieux toute la semaine. C'est pour ça qu'on est deux et voilà, donc vendredi à l'entraînement on régulera et puis on mettra tout ça en place pour dimanche. Comment elles ont abordé ces filles ce match, Karl? C'est difficile. Moi je leur avais dit de toute façon qu'il fallait faire attention à la décompression. Même si que ce soit moi ou enfin nous avec Vincent ou elle, ça a été quand même malgré tout un peu de décompression après le match de Clermont, on pouvait pas y échapper, même si on s'était dit qu'il fallait pas, on a quand même soufflé un bon coup, et puis tout en disant samedi soir qu'il fallait rien lâcher, qu'il était tout aussi important de gagner celui-là que celui de la semaine d'avant. Et voilà, on a bien fait parce que ça a été dur, on n'a rien lâché, ça a été compliqué samedi. Hein. Une belle équipe de Marseille qui a tout donné et qui s'est bien battue et qui nous a obligés à aller chercher un peu des réserves. Mais voilà, c'est tant mieux parce que ça nous oblige à rester concentrés. Et voilà, l'idée c'était de ne pas décompresser sur ce match-là, d'être à 100% parce qu'il faut éviter les blessures aussi, et d'être investi complètement dans le match qui allait arriver là. Donc ça sera pareil pour ce dimanche. Hein. Ouais, dimanche il va falloir. Parce que dimanche, Ajaccio joue son maintien, faut pas rigoler. Hein. Non, je pense, non, pas du tout. Je pense que peut-être c'est là qu'il va falloir même être très assidu et gagner, on va dire, avec une belle victoire, ce qui permettrait peut-être à cette équipe de Mazange de se placer du côté de Cagnes en bas dans une dernière rencontre sans enjeu pour eux, peut-être un enjeu pour vous, hein, selon le résultat de la soirée. Non, mais faut éviter ça. Ah oui, c'est sûr qu'il faut éviter ça. Ça, c'est clair, puisque je suis en train un petit peu, moi aussi, de regarder les matchs qui vont suivre. Plan de cul, qui ne devrait pas avoir trop de problèmes, puisqu'ils reçoivent à domicile Marseille Nord, ce qui permettrait d'avoir 3 points. Au Goladirage, Karl, peut-être tu vas peut-être nous aiguiller un petit peu à Fly FM. Vous êtes largement, il me semble, en avance sur... Oui, on a le Goladirage particulier, oui. Ouais, alors ce qui veut dire quelque part que bon, la victoire de samedi, de dimanche après-midi, c'est bien ça? Dimanche après-midi, ah non, mais sera très important. Pardon? Un nul suffirait? Oui, non, mais moi je veux pas de nul. Écoutez, on est habitué maintenant, on devient exigeant, nous aussi. Il faut savoir que... En termes de points. Oui, mais nous, je veux la victoire, mais un nul suffirait. Oui, un nul suffirait, mais une belle victoire mettrait, je veux dire, un dernier match pour toi te faire tourner un petit peu, de faire tourner le... Ah oui, de faire tourner le 15 jours après, de mettre des moins de 18 sur le terrain pour préparer, et puis voilà, et de faire tourner un petit peu parce que les filles commencent à être très fatiguées, et voilà, oui, bien sûr. Mais surtout qu'on joue. De toute façon, on joue pour gagner, on joue pas pour faire des matchs nuls. Et on rentrera sur le terrain dimanche, en plus dernier match à domicile devant nos supporters. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas pour le couteau entre les dents pour gagner le match. Bon, ça va, tu me fais plaisir, tu m'as fait peur, il y a eu quelques secondes. Non, moi je voulais juste expliquer que... Oui. Voilà, moi il n'est jamais question de perdre un match ou de jouer quoi que ce soit, qu'il ne soit pas la victoire, les filles c'est pareil. Non, on n'est pas là. Et puis je pense qu'il ne faut pas jouer à ça, parce que c'est des genres de choses qui en général, après, nous reviennent en pleine figure, donc non. Mais surtout avec ce match contre Clermont-Salagou, ouais, que vous avez vu, que vous avez pu vivre, si vous nous écoutez ce soir sur Fly FM, hein, on était bien sûr en direct depuis le COSEC de Mazan, où c'est qu'on a vu des filles qui se sont données le maximum, un très haut niveau de jeu en première mi-temps, j'ai pas peur des mots. Et puis après, on a senti vraiment une équipe soudée, des filles très impliquées, très touchées par cette victoire, parce que déjà, c'était en préambule de ce qui s'est passé ce week-end. Ça veut dire une victoire assurée à Ajaccio, à Marseille, et une prochaine victoire, assurée face à Ajaccio, ce qui permettrait un petit peu de souffler, puisque dans combien de jours, et surtout combien de semaines, elles vont pouvoir jouer ce quart de finale, ce match du barrage. Ce barrage, c'est le 17 juin, et on l'a confirmé, c'est bien à Pau. Ils n'ont pas pu trouver autre chose, non? Pardon? Non, je m'excuse. Ils n'ont pas pu trouver un lieu un petit peu plus près pour les jeunes comme nous. Non, tu sais, c'est comme ça. Et puis on ne sait pas contre qui on tombe, puisque le tirage au sort sera entre les 8 équipes. Donc les 8 deuxièmes. Donc on ne sait pas contre qui. Enfin, je dis qui. Je touche du bois, hein, j'espère que ça sera nous. De la peau de singe. On ne sait pas contre qui ça sera. Et ça sera le 17. Ouais, 17 jours à Pau. Bon, on essaiera, on verra. Entre 14h et 20h, voilà. On ne sait pas. On sait pas l'horaire, on ne sait pas contre qui. Oh, ça c'est tout un suspense digne des grandes rencontres. Voilà, ouais. C'est le cas de le dire. Hein. Bon, ouais. Des grands scénarios, voilà. Merci, merci Karl. Peut-être Didier, tu voulais rajouter quelque chose à Karl? Bah, disons que moi, ça me fait plaisir et vu le début de saison et la fin de saison comme vous êtes, c'est que du mieux et au moins au niveau de l'équipe, on sent que derrière c'est bien soudé, les coachs et tout. Et bon, faudra que je trouve un moment pour vous venir donc à Mazan et vous encourager tous, puisque ça, c'est moi, c'est vrai qu'au niveau du sport co, en tant qu'ayant pratiqué un sport individuel, le hand, pour moi, c'est une des priorités. Donc, parce que c'est un spécialiste de la course à pied, Bougon, qui a été, juste pour le savoir, et chaque fois, il me retoque, champion du monde par équipe en course en montagne. D'accord. Voilà. Bon, juste pour la référence. Nous, on joue dimanche à la maison. Voilà. Il faut vous dire. Ouais, 15h. Il y a du monde qui vient de nous voir. J'espère que vous ferez partie de vos supporters environ. Supporters pour aider les filles à gagner ce match. Mais elles ont intérêt, parce que si je viens, elles vont commencer à trembler si vous voyez marqué Fly FM au bord du stade. j'aime bien. Ouais, on est tous derrière vous. C'est dommage qu'on ne sera plus à l'antenne le 17 juin, parce que sinon, on aurait mis le match en direct et on aurait fait quelque chose de formidable. Bah, écoute. En simultané. On en reparlera à la rentrée. Exactement, mais on sera toujours derrière vous, tu le sais. Puisque, juste en préambule, puisque j'ai reçu l'invitation, et malheureusement, je vais être obligé de la décliner ce soir, parce que, faute d'espace libre pour ma part, c'est bien sûr la conférence de presse qu'il va y avoir avec les deux clubs, Sorgue et Mazan, qui vont être officiellement mariés. Hein, c'est bien ça, Karl. Oui, c'est ça. Ça, c'est une très, très belle chose, et ça grandit encore plus la grandeur de ce sport dans le Vaucluse, qu'on a bien besoin d'avoir un petit peu des références comme ça dans le Vaucluse, parce qu'on souffre beaucoup dans toutes les disciplines d'une image bien souvent négative par rapport à ce que ça pourrait être. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule à ma façon. Bon, Karl, merci encore. Et puis à bientôt. Et on espère. Bonne continuation. Ouais, exactement. À bientôt, merci. Félicitations. À très bientôt. Hein. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Et vive le handball de Mazan. Top chrono, football. Alors ça va aller très vite le football, parce qu'on a eu tout à l'heure monsieur Henri qui est parti et qui reviendra, on l'espère, rapidement. Revenons un petit peu à notre équipe de CFA, Le Pontet, l'US Le Pontet. On aura Patrice Belche, hein, vous rappelez, notre spécialiste du football, dont j'ai partagé longtemps avec lui les matchs de l'AC Arles-Avignon quand ils évoluaient en Ligue 2. Eh bien, on va le retrouver tout à l'heure, puisqu'il vient de nous parler de cette belle manifestation. On va appeler bien sûr Jean-Yves, on va le faire revenir dans cette émission. Lui, le Brestois, qui est très loin, mais il va revenir avec moi dans cette émission pour la suite des résultats, puisqu'il va y avoir de l'automobile dans quelques minutes. Mais revenons au football, restons dans le football. En CFA, dans la poule, dans le poule D, eh bien le Pontet se déplaçait du côté de Montpellier. Malheureusement, il n'y a pas eu de miracle, puisqu'ils ont perdu 2-1. Et ils sont bons derniers, ils seront bien l'année prochaine en CFA2. Voilà encore un petit peu plus de tristesse pour le football dans le Vaucluse. Il y avait des matchs en retard en PHB. Il y avait Rasto qui affrontait Molège. Là aussi, le suspense a été tué rapidement par Molège, puisqu'ils ont perdu à domicile Rasto 8-2. En poule B de cette PHB, là aussi l'Espérance de Sorgues jouait contre Orange Leader face au second de cette poule. Eh bien, ils se sont quittés sur le score de 3-3 et Galière face à Villeneuve en ont fait de même 2-2. Voilà un beau leader Orange qui retrouvera la PHB dès la saison prochaine. Bon, on ne les met jamais en valeur, mais en première division. Poule B, le RC Provence recevait l'Oriol, ils ont perdu 2-1 à domicile, tandis que Mondragon recevait Vedène 2. Mondragon a gagné 4-2, tandis qu'en poule C, Égalière 2 recevait Pertuis, une correction de Pertuis à Égalière, puisqu'ils ont gagné 5-1, tandis que les Vignères recevaient Saint-Andéol, ils ont gagné 6-4, c'est vrai que c'est des jolis scores. On voit beaucoup de buts dans ces divisions inférieures comme la première division. En promotion de première division, Courtaison 3, le leader, recevait Bolène et se quittait sur le score de 4-4. C'était le premier contre le second. Et en poule D, le Thor recevait Gargas. Ils n'ont pas fait de détails, le leader, puisqu'ils ont gagné 3-0 face à cette pauvre équipe de Gargas qui est quand même quatrième. Et c'est la pub!